Chacun pour soi, demande à Yanis. Et même si tout n'est pas blanc ou noir, je suis solitaire comme un pianiste. Je ressens les déboires de l'âme. Je vais crever dans une mare de sang. Sûrement pas dans une baignoire de larmes. Je vais être une légende sous ce siècle. Qu'on m'oublie pas un 4x4. Toute option à 44 sous le siège. Dis-moi où tu vis. Que je sache où je règne. Ne m'aide pas, montre-moi simplement où je saigne. Les remords sont inutiles. Comme une montre, je m'endors à Barcelone. Rien à foutre de faire le tour du monde. Ramène la table que je pose mes grosses couilles. Fuck toi, ton pote et ta salope venue de Moscou. L'adolescence, ça sert à savoir qui te forme. Motherfuck, il t'apprend le rinter ou taper les coffres forts. Business de genoux, fou de la mêle, c'est la même. Dis-moi qui est ton assaut, je te dirai qui va te la mettre. Tu veux savoir, alors écoute garçon. Le sang chaud, le cœur froid comme un glaçon. Moi j'ai plus de doute, passons. Sur le bien, sur le mal, parce qu'à la fin ça finit mal de toute façon. Tu veux savoir, alors écoute garçon. Le sang chaud, le cœur froid comme un glaçon. Moi j'ai plus de doute, passons. Sur le bien, sur le mal, parce qu'à la fin ça finit mal de toute façon. J'aurais prêté ma confiance, j'ai pas voulu la donner. C'est mieux comme ça, car comme ça, ça m'évitera de pardonner. La fin du film, je la connais. Plutôt que te laisser conduire ma vie, je préfère encore cartonner. La fierté catalane, rarement démunie. J'suis pro barcelonais, j'enfile ton Bayern de Munich. Hey, le love, j'en connais toutes les russes. Paris, si tout s'achète, alors oui, je baise avec des poupées russes. Tu parles beaucoup, mais t'as rien à proposer. À 30 piges, tu dors encore sur un lit superposé. Motherfucker, fais pas le 6 gros parmi nous. Lol, petit fils de pute, tu n'es que mouton parmi loups. Dans ta vie, c'est la Zermi, featuring les favelas. Du jour au lendemain, t'es remplaçant comme Fabregas. Il faut de la chance, donc au moins un carré d'as. Le monde sera à toi si tu montes une équipe inarrêtable. Tu veux savoir, alors écoute garçon. Le sang chaud, le cœur froid comme un glaçon. Moi j'ai plus de doute, passons. Sur le bien, sur le mal, parce qu'à la fin ça finit mal de toute façon. Tu veux savoir, alors écoute garçon. Le sang chaud, le cœur froid comme un glaçon. Moi j'ai plus de doute, passons. Sur le bien, sur le mal, parce qu'à la fin ça finit mal de toute façon. Moi j'suis qu'un loup élevé par une hyène. Je vais me faire tatouer le visage de ma mère sur le cœur pour que Dieu s'en souvienne. Mauvais fut le départ, d'où la fin. Tant que le banquier me check, on va dire que tout va bien. L'argent comme coloc n'est pas trop pénible. Ils ont pas cru en moi, parce que j'écoute que moi comme Balotelli. J'te laisse le temps d'y repenser. C'est bon, bref, je connaissais la fin du film avant même qu'il ait commencé. Tu veux savoir, alors écoute garçon. Le sang chaud, le cœur froid comme un glaçon. Moi j'ai plus de doute, passons. Sur le bien, sur le mal, parce qu'à la fin ça finit mal de toute façon. Tu veux savoir, alors écoute garçon. Le sang chaud, le cœur froid comme un glaçon. Moi j'ai plus de doute, passons. Sur le bien, sur le mal, parce qu'à la fin ça finit mal de toute façon.